je ne sais plus y croire, je ne vivais qu'à boire. Lorsque dans ma nuit noire, soudain je l'aperçus, comme dans un beau rêve, elle m'a tendu les lèvres, et j'ai connu la fièvre d'un bonheur éperdu. Il m'en aura fallu du temps pour éprouver ce sentiment et te chanter, et te chanter, et te chanter, et te chanter, et te chanter cette passion. Il m'en aura fallu du temps, de fausses joies, de faux serments, pour te chanter, pour te chanter, pour te chanter, pour te chanter, pour te chanter cette chanson. Amour, ce cœur que tu sens là, ne bat, ne vibre que pour toi. Aime-moi, aime-moi toujours, je veux mourir d'amour. Depuis que mon cœur aime, je ne suis plus le même. Ma vie est un poème, irradiant de joie. J'ai tant de choses à vivre, dont je me croyais ivre, tant de ces perspectives que je ne connaissais pas. Il m'en aura fallu du temps pour éprouver ce sentiment. Te chanter, et te chanter, et te chanter, et te chanter, et te chanter cette passion. Il m'en aura fallu du temps, de fausses joies, de faux serments, pour te chanter, pour te chanter, pour te chanter, pour te chanter, pour te chanter cette chanson. Amour, ce cœur que tu sens là, ne bat, ne vivre que pour toi. Aime-moi, aime-moi toujours, je veux mourir d'amour. Mourir d'amour, toi.